Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'intervention française en Libye ou comment l'espérance de conduire une guerre juste a mené un pays au chaos. La charte de l'ONU, signée le 26 juin 1945, préconise le règlement pacifique des différends internationaux, défend la non-ingérence dans les affaires des États souverains et interdit l'emploi de la force dans les relations internationales. Pourtant, depuis 70 ans, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a cessé d'autoriser le recours à la guerre. Cette responsabilité est l'héritière, notamment, du droit d'ingérence humanitaire proposé par Bernard Kouchner et par le juriste Mario Betatti dans les années 90. Une mesure justifiable, mais critiquée, qui contredit en tout cas les objectifs fondamentaux des Nations Unies. Voilà, c'est sur ces fondements qu'une coalition formée par des pays membres de l'OTAN et de la Ligue arabe, menée par la France de Nicolas Sarkozy, intervient à partir de mars 2011 en Libye. Retour sur une intervention controversée, aux conséquences terriblement actuelles, l'ancien président Sarkozy en sait quelque chose. Notre invité aujourd'hui, Fabrice Arfi, journaliste chez Mediapart, auteur de deux livres sur cette histoire, dont le dernier chez Delcourt en 2019, intitulé « Sarkozy-Kadhafi, des billets et des bombes ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INLA, récit documentaire Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice L'Aigle et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Décembre 2007, le président français reçoit à Paris Muammar Kadhafi, dictateur, preneur d'otages, terroriste, accompagné d'une délégation de 400 personnes et logeant dans sa tente bédouine. La diplomatie française privilégie alors la stabilité du monde arabe plutôt que son caractère démocratique. Elle soutient des régimes autoritaires comme ceux de Kadhafi en Libye, Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Égypte. Alors que Kadhafi, commanditaire de l'attentat du DC-10 du Téhéran en 1989 qui coûta la vie à 170 passagers, parade dans la capitale, on s'offusque de cet accueil en grande pompe. Et puis, le temps passe et on oublie. On oublie aussi les contrats signés entre Kadhafi et des entreprises françaises, parfois aux dépens des libertés du peuple libyen. De 2007 à 2011, Amesis, une société de services en ingénierie informatique, profite du rapprochement diplomatique entre la France et la Libye pour vendre à Kadhafi des technologies de surveillance des télécommunications que le dictateur utilise ensuite pour traquer ses opposants, comme l'explique le président de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme sur France 3. Peut-on vendre n'importe quelle technologie au pays dirigé par des dictateurs? C'est un peu la question posée par la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme. Elle a déposé plainte contre une société française, filiale de Bull, qui avait vendu du matériel de surveillance au régime de Kadhafi. C'était en 2007, quand la France déroulait le tapis rouge au leader libyen. Luc Laguin-Boucher, Rally Daoutaï. Amesis s'est rendu complice de ce système qui a été mis en place, puisque c'est grâce à ce moyen très sophistiqué qui était donné aux autorités libyennes par une société française informatisée très performante que l'on a pu pratiquer donc torture, mauvais traitement. Janvier 2011, le printemps arabe enflamme le sud de la Méditerranée. Les populations, frappées par le chômage et lassées des dictatures, réclament le départ de leurs dirigeants et une transition démocratique. Surprise de cet embrasement soudain, la France sous-estime l'ampleur du mouvement. Alors que la presse elle-même évoque de banals troubles sociaux, la ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, propose de faire bénéficier le gouvernement tunisien du savoir-faire français en matière de maintien de l'ordre. Trois jours après cette proposition qui aujourd'hui choque encore, le 14 janvier 2011, Ben Ali est contraint de quitter la Tunisie pour ne plus y revenir. Et c'est une prise de conscience pour la France. La diplomatie, déconcertée par un mouvement qu'elle n'attendait pas, a fait fausse route, gravement. Michèle Alliot-Marie démissionne le 27 janvier. Paris change de stratégie vis-à-vis du monde arabe. Il s'agit désormais de jouer un rôle actif dans la défense de la démocratie et de faire oublier les hésitations du pays face aux soulèvements tunisiens et égyptiens. La stabilité ne peut plus être l'alpha et l'oméga de la diplomatie française, explique ainsi Alain Juppé, le nouveau ministre du Quai d'Orsay, quitte à renier subitement les accointances diplomatiques de la France. Alors que Kadhafi réprime durement les soulèvements qui éclatent en Libye, Nicolas Sarkozy appelle le colonel, son meilleur ennemi, à quitter le pouvoir, et sans délai. S'agissant de la France, notre position est claire. Monsieur Kadhafi doit partir. Les violences répétées, systématiques, contre le peuple libyen sont inacceptables et feront l'objet d'enquêtes et de sanctions. Le 13 janvier 2011, la veille de la chute du président Ben Ali en Tunisie, des manifestations ont lieu en Libye, sur le modèle tunisien justement. Muammar Kadhafi, le guide de la révolution de la Jamaïria arabe libyenne au pouvoir depuis 42 ans, contient la révolte. Jusqu'à ce 15 février 2011, pour la première fois depuis le début des manifestations du peuple libyen, la police ne se contente pas des habituels canons à eau et gaz lacrymogène. À Benghazi et à El Beida, les milices tirent sur des manifestants à balles réelles. Bilan, 4 morts et des dizaines de blessés. 3 jours plus tard, alors que la répression se durcit, c'est l'insurrection, Benghazi s'embrase. Les manifestants armés, soutenus par une partie de la police qui s'est ralliée à leur cause, s'emparent de la ville. Les jours suivants, l'insurrection s'étend dans tout le pays. Tobrouk, Misrata, Tarnoua ou encore Souara tombent aux mains des manifestants. Le 21 février, les insurgés atteignent Tripoli, la capitale où vit le colonel Kadhafi. Alors que 2/3 des villes libyennes sont aux mains de l'opposition, des caciques du régime, hauts fonctionnaires, généraux, diplomates, se rallient au mouvement. Le ministre de la justice de Kadhafi, Mustafa Mohamed Abdeljalil, démissionne. En moins d'une semaine, le guide perd le contrôle, l'insurrection populaire devient révolution nationale. La réponse du régime est sans appel, la répression par le sang. Le fils du colonel, Saif al-Islam, s'exprime à la télé officielle dans la nuit du 20 au 21 février 2011. Maintenant, nous exigeons comme solution, comme dernière solution, avant qu'il ne soit trop tard, de nous en remettre tous aux armes. Nous allons armer 5 millions de Libyens. La Libye n'est ni la Tunisie ni l'Égypte. Mes frères, nous sommes des tribus et des clans. Nous allons nous en remettre tous aux armes. Et les armes maintenant sont à la portée de tous. Au lieu de pleurer 84 morts, nous allons pleurer des centaines de milliers de morts. Il y aura des fleuves de sang dans toutes les villes de Libye. La situation est très grave. Il est très dangereux que nous, peuple libyen, que notre jeunesse se mette en tête d'imiter ce qui s'est passé en Égypte ou en Tunisie. Aussitôt dit, aussitôt fait, Muammar Kadhafi, sorte de Néron des temps modernes, fait effectivement couler le sang. Le colonel massacre son peuple et la Libye sombre dans la guerre civile. Les organisations internationales dénombrent des centaines de morts, tandis que des milliers de Libyens sont contraints de quitter le pays pour échapper au combat. Face aux milices de Kadhafi et aux armes lourdes que le dictateur déploie contre les rebelles faiblissent. Oui, trop peu armés, mal organisés, ils reculent face à la contre-offensive loyaliste et commencent à perdre des villes. Une équipe de France 3 assiste à la débâcle des rebelles à Ras Lanouf. Là-bas, c'est l'hécatombe. Les insurgés sont impuissants face aux bombes des forces de Muammar Kadhafi. Les militaires qui ont rejoint la rébellion n'ont pas d'autre choix que le repli. C'est la débâcle. À Ras Lanouf, les forces de Kadhafi viennent de bombarder la mosquée. Et l'hôpital aussi. Soudain, un bruit sourd dans le ciel, un avion de chasse nous survole. Ok, go. Nous nous éloignons de la foule pour nous mettre à l'écart, un peu plus loin. Depuis ce matin, les avions Sukhoi nous ont bombardés 6 ou 7 fois. Ils tirent aussi des missiles de leurs bateaux au large. Les insurgés rechargent leurs armes et scrutent le ciel, en espérant un embargo aérien, leur seule chance. Les menaces proférées à la télé par le clan Kadhafi, mises à exécution, s'adressent aux insurgés, bien sûr, mais aussi aux Occidentaux. S'ils ne soutiennent pas le régime des guides, ils en feront les frais. La France, l'Union européenne et les États-Unis le savent. Bien qu'ils soutiennent les aspirations des Libyens, ils n'ont pas encore adopté de vraies politiques d'aide à la transition démocratique. Quant à la répression, elle est condamnée mais pas sanctionnée. Une intervention occidentale est d'autant plus problématique que la situation en Libye est obscure. Car qui sont ces rebelles? Quelle est la nature de l'insurrection? S'agit-il vraiment d'un mouvement national dans un pays divisé en plusieurs tribus? Comment aider l'opposition? Face aux flottements occidentaux, un homme va trancher. Cet homme, c'est Nicolas Sarkozy. Le président de la République française veut intervenir pour protéger le peuple libyen et défendre la démocratie. Mais comment aider l'opposition sans savoir qui l'amène? Le 4 mars, il reçoit un coup de téléphone qui tombe à point nommé. Au bout du fil, Bernard-Henri Lévy, l'intellectuel et essayiste, qui se fait diplomate. Il propose à Nicolas Sarkozy de recevoir Mahmoud Djibril, le numéro 2 du Conseil national de transition, créé le 27 février, pour conduire le combat contre le régime de Kadhafi. L'issue de cette rencontre, quelques jours plus tard à peine, est pour le moins inattendue, tant la décision est rapide. La France reconnaît en effet le CNT comme l'unique représentant légitime du peuple libyen. Surprise, il s'agit désormais de défendre un camp, celui du Conseil national de transition, contre un autre. Tripoli suspend sur le champ ses relations diplomatiques avec la France. Lors d'une conférence de presse le 11 mars, Nicolas Sarkozy va plus loin. Il l'affirme, il préférerait un mandat de l'ONU, oui, mais une intervention française indépendante est possible. Le président français prend le dossier à cœur. Muammar Kadhafi et son fils le dérangent personnellement. En ce mois de mars 2011, il porte des accusations gênantes. Le régime libyen aurait financé la campagne du candidat Sarkozy lors de la présidentielle de 2007. Le chef de l'État français se montre vindicatif envers son ancien allié. Il veut le mettre à genoux, lui faire mordre la poussière. C'est en tout cas ce qu'il déclare en off à des journalistes du Monde. L'opinion publique française appuie l'intervention voulue par son président et par Bernard-Henri Lévy qui défend une guerre juste dans les médias. Voilà ce qu'il explique à Patrick Simonin sur TV5 Monde. Le fils de Kadhafi insulte le président de la République française en disant qu'il a financé sa campagne électorale ou ce genre de choses. Il insulte le président de la République française. Demain, il insultera le monde entier. Je vous répète, on a affaire à des bouffons sanglants, à des gangsters. Il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est impensable après ce qui s'est passé. C'est ça. Il faut inverser le raisonnement. C'est pas est-ce que Kadhafi va reprendre le pouvoir. C'est quel serait le prix de la reprise de pouvoir par Kadhafi. Il y a déjà eu à Misrata, il y a déjà eu à Zawiya, il y a déjà eu dans d'autres villes de Libye des crimes contre l'humanité. Vous savez, quand on fait donner des avions de chasse contre des manifestants, comme Kadhafi l'a fait à Tripoli, on est clairement dans des crimes justiciables de la Cour pénale internationale de la Haye. Face aux exactions de Kadhafi relayées par les médias, l'intervention semble chaque jour plus urgente. Bombardements indiscriminés, mercenaires étrangers embauchés pour réprimer le peuple, Viagra offert aux soldats pour faciliter les viols, des faits qui ne sont pas toujours vérifiés, comme le révélera Amnesty International. Tandis que le Conseil national de transition libyen fait état de 6000 morts, Human Rights Watch en compte 300. Un chiffre qui, pour autant, ne remet pas en question la souffrance des Libyens face à la répression, mais qui pose des questions. Une intervention militaire n'est-elle pas précipitée? Quelques rares voix émettent des doutes. Ronny Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, regrette par exemple qu'on ne tire pas les leçons des échecs du passé, comme il explique au micro de Pascal Clark sur France Inter. Ce qui me gêne dans cette opération, c'est que on prétend installer la démocratie et l'état de droit avec des bombardiers. Je ne sais pas où cette idée a été puisée, mais ce que je vois, c'est que chaque fois qu'on a essayé de le faire, non seulement on a échoué, mais le remède qu'on prétendait apporter était pire que le mal. Il y avait quand même une urgence, Ronny Broman, Benghazi menaçait de tomber, une question de jours, peut-être même d'heures, et Benghazi qui tombait, c'était fini, c'était l'insurrection, ça en était fini de l'insurrection, et c'était la répression offerte à Kadhafi. Ça vous parle pas, ça c'est pas un argument qui peut vous faire changer d'avis. Non, ça ne me fait absolument pas changer d'avis, parce que des interventions destinées à prévenir des massacres, j'en ai vu d'autres, elles ont gelé la situation et les massacres qui se sont produits ultérieurement ont été pires. Donc je n'achète pas cet argument. Je pense qu'il s'agit là d'une facilité de vente, mais que la réalité est beaucoup plus complexe. Regardez ce que nous avons fait en Somalie, par exemple, en 92. Nous sommes en 2011, la situation n'a pas changé et même d'une certaine manière, elle s'est empirée. Malgré ces remises en cause, les Français, dans leur grande majorité, se rallient à l'idée d'une intervention. D'autant plus que la France trouve rapidement son premier allié, le Royaume-Uni de David Cameron, qui se dit prêt à soutenir son action en Libye. Obama, déjà engagé en Afghanistan et en Irak, lui, est plus que réticent. Mais l'avancée des troupes de Kadhafi sur Benghazi est telle qu'un massacre de grande ampleur semble imminent. Alors, les États-Unis finissent par apporter leur soutien au duo franco-britannique sans pour autant prendre leadership. Pour ne pas transformer l'intervention militaire en croisade contre un pays arabe, la France en appelle au Qatar, solide allié de Nicolas Sarkozy. Alors que l'Union africaine refuse toute forme d'intervention étrangère, la Ligue arabe apporte son soutien à la naissante coalition occidentale et demande la mise en place d'une no-fly zone au-dessus du pays. Cet ultime appui achève de convaincre l'ONU de la nécessité d'un vote concernant une intervention en Libye. Ce vote, tant attendu par Sarkozy, a finalement lieu le 17 mars 2011. Seuls l'Allemagne, la Russie, la Chine, le Brésil et l'Inde s'abstiennent, permettant ainsi à l'ONU de donner son aval à la mise sur pied d'une zone d'exclusion aérienne. Afin de protéger les civils d'attaques systématiques et généralisées, les avions de Kadhafi ne pourront plus voler dans le ciel de Libye, tandis que la coalition est appelée à renforcer les sanctions déjà adoptées, notamment l'embargo sur les armes et le gel des avoirs du clan Kadhafi. Enfin et surtout, le Conseil de sécurité de l'ONU ajoute à la résolution 1973 une clause non prévue par les alliés arabes de la coalition. Elle autorise ses membres à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de ces décisions. Les Nations Unies, comme en Irak en 1991 ou en Afghanistan en 2001, choisissent la guerre pour assurer la paix. Du vote des Nations Unies le 18 mars 2011, Muammar Kadhafi décrète un cessez-le-feu immédiat. Le dictateur affirme vouloir se conformer aux exigences de l'ONU. Pourtant, sur le territoire libyen, les attaques des forces fidèles à Kadhafi se poursuivent. C'est ce que filme Mohamed Narbous, un blogueur libyen, quand il est abattu par un sniper le 19 mars. Les images sont retransmises en direct sur sa chaîne de télévision indépendante Libya Al-Hurra, la Libye libre. Je suis actuellement au milieu d'une fusillade. Il y a énormément de tirs, beaucoup trop. Où est le tireur? Il doit être là-haut. Mais où est-il? Ultime témoignage. Mohamed tombe sous les balles. La réaction de Paris ne se fait pas attendre. Ce 19 mars 2011, l'intervention est lancée par la France. Des rafales et des mirages décollent de la base militaire de Saint-Dizier, direction l'Est libyen. Le nom de l'opération, l'Harmattan, du nom de ce vent puissant venu du désert. L'armée française, suivie par ses alliés, s'engage en mer et dans le ciel. Frégates, avions, hélicoptères s'adonnent sans relâche à leur mission, clouer au sol l'aviation libyenne, détruire les systèmes de défense antiaérienne, couper les communications des forces de Kadhafi et entraver leurs déplacements. La première phase de frappe aérienne est un succès. Les forces loyalistes n'avancent plus vers Benghazi, le fief des insurgés. La ville se pare alors de drapeaux tricolores pour fêter cette première victoire, comme le remarquent les reporters du JT TF1. À partir de 8h du matin, ça ne désemplit pas. Et certains l'ont déjà baptisé le jardin français. Parce que c'est là, disent-ils, que les premiers avions français ont réduit en bouillie à 10 km au sud de Benghazi les chars de Kadhafi. C'est devenu un lieu de promenade à la fois pour exorciser sa peur et admirer la précision des frappes. On en profite pour prendre quelques souvenirs et récupérer quelques pièces qui pourront toujours servir. À ce rythme-là d'ailleurs, très vite, il ne restera plus grand-chose. Les Benghazis qui décidément se sont mis à l'heure française, car les manifs quasi quotidiennes qui honorent les pays venus les sauver, États-Unis, Angleterre et surtout France, arborent à côté du vert, du noir et du rouge de la révolte, le bleu-blanc-rouge assez peu fréquent sous ces latitudes. Sans parler de quelques messages plus personnels, même si l'orthographe laisse encore un peu à désirer. Et surtout, s'il veut vraiment nous protéger, il faut qu'il continue à les frapper. Continuer à frapper, c'est bien ce qu'on compte faire, la coalition qui veut aller vite et fort. Dépôts de munitions, chars et véhicules militaires, centres de communication radar, ils multiplient les attaques. Mais Kadhafi est prêt à poursuivre le combat, longtemps, s'il le faut. Ses troupes résistent et reprennent d'ailleurs plusieurs villes dans l'ouest du pays. L'appui aérien de la coalition ne donne pas le coup de pouce décisif attendu par les troupes rebelles au sol. La logistique et l'organisation pêchent, car les insurgés libyens ne sont pas des militaires professionnels. La coalition s'affaiblit, on doute de l'issue de l'affrontement. Et s'il durait plus longtemps que prévu, et si l'intervention occidentale échouait ? En France, l'opinion publique se désolidarise progressivement de son président. Devant l'absence d'avancées concrètes, les Français craignent l'enlisement des troupes en Libye. Alors que les frappes de la coalition se poursuivent, Nicolas Sarkozy entame un volte-face diplomatique discret. Une alternative se profile en effet, des élections organisées par le régime de Kadhafi. Le ministre de la Défense français, Gérard Longuet, émet même une hypothèse surprenante. Le départ du dictateur ne serait plus un préalable aussi strict qu'auparavant. Sur BFM TV, il déclare que Kadhafi pourrait rester à Tripoli dans une autre chambre de son palais avec un autre titre. Mais les négociations n'aboutissent pas, car en réalité Kadhafi n'est pas prêt à arrêter les combats. Il veut seulement gagner du temps en nourrissant l'illusion d'une solution diplomatique. L'issue sera militaire ou ne sera pas. Tripoli, où se cache le dictateur, devient l'emblème des difficultés de la coalition et la clé de voûte d'une éventuelle victoire. Si la ville tombe, c'est la capitale, c'est le régime qui tombe. Avec les rebelles, les généraux français concentrent tous leurs efforts sur cette ville. Le Qatar apporte financement et aide logistique. Il fait transiter les armes françaises vers les montagnes de Nefoussa, pivot de la stratégie française. Le 20 août 2011, les Français donnent le feu vert à la prise de Tripoli, où se trouve encore Kadhafi. C'est le dernier espoir de décapiter le régime. Les milices insurgées, accompagnées par les forces spéciales de plusieurs pays, dont le Qatar, investissent la capitale avec succès. Officiellement, la France n'a pas d'hommes au sol. Pourtant, des commandos français accompagnent des insurgés, main dans la main avec des islamistes radicaux qui participent à la rébellion aux côtés du Comité national de transition. L'action militaire a largement dépassé l'engagement humanitaire et la simple protection des civils. En moins d'une semaine, 7 mois après le début du conflit, le régime libyen s'effondre. Les rebelles n'ont désormais plus qu'un objectif, capturer Kadhafi et le tuer. Contre toute attente, quand les rebelles parviennent à s'emparer du palais de Kadhafi, le 24 août, le dictateur n'y est pas. Non, Kadhafi s'est évaporé. Mais les rebelles ne comptent pas le laisser filer et le traquent dans tout le pays. Le 20 octobre 2011, 2 mois après la prise du pouvoir par le Conseil national de transition, la chasse à l'homme prend fin dans la confusion la plus totale. Alors que les combattants du CNT sont entrés à Sirte, où Kadhafi s'est réfugié avec une poignée de fidèles, le dictateur tente de fuir. Son convoi est repéré par les Américains, puis touché par les tirs de missiles français. Des membres du CNT le retrouvent caché dans une bouche d'égout. Le dictateur est blessé par balle avant d'être conduit à l'hôpital de Misrata. Et il meurt dans l'ambulance. Pour les Libyens, c'est un soulagement. Et pour beaucoup, une grande joie. La fin de 42 ans de dictature. À Misrata, depuis ce matin, ils viennent voir. Eux qui ont subi un terrible siège de plusieurs mois. Ils veulent voir de leurs yeux, être sûrs que c'est bien lui. Garder une preuve pour ceux qui auraient toujours des doutes. Le cadavre de Kadhafi repose sur un matelas, dans une chambre froide, là où d'habitude on entrepose la viande pour le vieux marché. Il sera traité comme n'importe quel musulman. Il sera lavé avec respect et enterré dans un cimetière musulman, ça c'est certain. Mais les autorités retardent l'enterrement, s'engagent à attendre les preuves des tests ADN. Le but, personne ne doit pouvoir dire que c'est un sosie du dictateur qui a été capturé, puis tué hier dans des circonstances floues. Les Russes demandent une enquête, mais l'OTAN affirme qu'elle ne savait pas qui se trouvait auparavant dans ce convoi qu'elle a stoppé avec ses missiles. Pour le nouveau pouvoir et ceux qui l'ont aidé, il faut convaincre maintenant que Kadhafi a définitivement quitté la scène. C'est ainsi que s'achève la guerre en Libye, sans que l'armée française n'ait à signaler aucune perte humaine. L'intervention, en revanche, aura coûté 300 millions d'euros à la France, 1 million par jour. Pour la Libye, qui pleure près de 60 000 morts, le coût de la victoire est bien plus élevé. La paix tant espérée laisse place au chaos. Car ni le comité central de transition rongé par des divisions internes, ni la coalition n'ont prévu l'après-Kadhafi. À la fin du conflit, les Occidentaux se désengagent brutalement, laissant le CNT seul aux commandes. Dans la précipitation, ils publient une déclaration constitutionnelle qui fixe des délais électoraux et la passation du pouvoir entre les révolutionnaires et un état de droit. Mais la transition a été mal préparée et les élections qui sont organisées ne suffisent pas à établir un état stable et démocratique. Des dizaines de groupes armés indépendants que des intérêts tribaux, idéologiques et régionaux rendent inconciliables divisent le pays. Et la Libye sombre dans l'abîme. Alors que la France s'en va, des pays du Golfe s'engagent financièrement en Libye. Le Qatar, notamment, soutient les frères musulmans, tandis que des milices islamistes imposent leurs lois dans certaines régions. Ces milices, anciennement insurgées aux côtés du Conseil national de transition, la France les a indirectement soutenues en 2011. En gros, c'est ça, ou Kadhafi, pensait-on à l'époque, sans imaginer à quel point cette doctrine était périlleuse. En octobre 2013, le premier ministre libyen, Ali Zeidan, est enlevé par des islamistes. Des députés du Congrès général national, élus à Tripoli en 2012 lors de la première élection libre libyenne, ainsi que des juges et des journalistes, sont régulièrement assassinés par des groupes djihadistes. La Libye devient une base arrière pour les terroristes d'Aqmi et d'Ansar al-Sharia. À partir de 2015, une nouvelle organisation arrive en Libye, Daesh. En août 2016, 5 ans après l'intervention de la coalition, la fin du régime, la mort de Kadhafi, les États-Unis bombardent l'État islamique en Libye, ouvrant ainsi un troisième front contre l'organisation terroriste après les fronts irakiens et syriens. Les deux gouvernements qui coexistent depuis 2014 suite à la démission de l'Assemblée élue en 2012 sont incapables de gérer la situation. Des pans entiers du pays échappent au contrôle des gouvernements rivaux de Tripoli et de Tobrouk. À l'instabilité politique et à l'islamisme radical s'ajoutent maintenant des trafics en tout genre. Drogue et armes circulent dans la région tandis que la Libye devient un point de départ privilégié pour l'immigration illégale, notamment syrienne et africaine. Sur les côtes libyennes, les passeurs organisent un véritable trafic d'êtres humains. Parallèlement, des milices indépendantes s'accaparent les ressources pétrolières du pays qui représentent 90% des revenus de l'État. L'économie est paralysée, les exportations chutent, laissant les populations désemparées face à la pauvreté et aux violences qu'elles doivent affronter. Selon l'ONU, plus de 2 millions de personnes auraient besoin d'aide humanitaire en Libye. Or, l'instabilité du pays, déchirée entre différentes milices et groupes politiques, complique l'action des ONG. La mort de Kadhafi n'a pas ouvert l'ère de paix, de liberté, de démocratie dont les Libyens rêvaient et que la France leur avait promise. Face au fiasco de l'intervention française, certains comme Bernard-Henri Lévy en 2015 assurent pourtant qu'elle en valait la peine. En 2011, vous écriviez « Quoi qu'il arrive, la nouvelle Libye sans Kadhafi sera meilleure oui. ». En 2015, elle est vraiment meilleure, la nouvelle oui. Libye. Oui, elle n'est oui. pas aussi... Elle n'est pas aussi belle qu'on pouvait l'escompter, parce que l'histoire se fait pas en un jour, elle se fait même pas en quatre ans. Attendez, il a fallu un siècle à la France, il a fallu 10 ans pour faire la Révolution française. Il a fallu presque un siècle pour proclamer la République. Alors évidemment, dans un pays comme la Libye, qui n'a jamais connu d'État, qui n'a jamais eu de culture démocratique, c'est vrai qu'il faut un peu de temps, mais enfin, on est les plus mal placés, nous les Français, pour donner des leçons à la Libye de rapidité de passage Bernard à la démocratie. Bernard Henri Lévy, sans donner de leçons, on peut constater quand même les faits, le chaos, la guerre civile, un pays livré aux milices, on a un marché ouvert à l'armement, on n'a plus Kadhafi, mais on a Daesh à Sirte, à Tripoli, c'est vraiment meilleur. Je crois que si les fruits de la liberté sont amers bien, aujourd'hui, il vaut mieux ça que cette espèce de chape de plomb qui pesait sur les Libyens. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais de desseins cachés aussi. C'est ce que suggère un rapport publié par la Chambre des communes britannique en septembre 2016 et des emails d'Hillary Clinton rendus publics la même année. Pour les parlementaires britanniques, si Nicolas Sarkozy a pris la décision d'intervenir en Libye en 2011, c'est pour accroître l'influence française en Afrique du Nord et améliorer sa situation politique en France. Quant à Hillary Clinton, elle parle d'intérêts stratégiques, économiques, politiques, mais aussi d'un trésor en or franc et massif. Au-delà des motivations secrètes et présumées du chef de l'État français d'alors, l'intervention de la coalition reste controversée. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU avait voté une intervention ponctuelle de défense de la population de Benghazi, Londres, Paris et Washington ont mené une véritable opération de changement de régime, en appuyant par leur bombardement l'avancée de la rébellion au sol. Sous couvert du droit d'ingérence humanitaire, les puissances occidentales, menées par la France, ont tenté d'installer la démocratie en Libye à coups de frappes aériennes sans prévoir ni préparer les conséquences impliquées par la chute du pouvoir en place. Danger. This world ain't simple, but I'm strong. I know how to get out, and I'll find my way. 'Cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up? 'Cause you don't understand. Cause you don't understand. This world is not my home. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'intervention de la France en Libye en mars 2011, dont nous n'allons pas parler directement avec Fabrice Arfi. Bonjour. Bonjour. Je commence par ce qu'on va pas faire. Vous êtes journaliste à Mediapart, bien sûr. Vous avez écrit plusieurs ouvrages d'enquête, dont, je cite le dernier, hein, Sarkozy-Kadhafi, des billets et des bombes chez Delcourt en 2019. Alors, on parle pas ensemble peu de l'intervention en tant que telle. Il y a eu un récit pour ça, mais des conséquences de cette intervention. Et nous sommes en plein dedans. Je rappelle que Nicolas Sarkozy est cité, ou a été cité, dans une dizaine d'affaires, résolues ou non, avec non-lieu ou pas. Clearstream, Bettencourt, Karachi, sondage de l'Elysée, Big Malion, dossier tapis crédit lyonnais, Casas Gate et l'affaire des écoutes. Même Jacques Chirac n'a pas un tel palmarès. Alors pour l'instant, la prison ferme demandée dans l'affaire des écoutes. Je rappelle que ce sont des réquisitions. Nicolas Sarkozy ne va pas se retrouver derrière les barreaux demain. Mais on a l'impression quand même que pour la première fois, cette espèce de clôture qui entoure tous les présidents de la République pour les protéger pendant leur mandat, y compris après leur mandat, comme des rois thaumaturges, que nous avons d'ailleurs, les présidents qu'on prend pour des rois. Peut-être que cette digue est en train de tomber là, avec tout ce qui arrive à Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une évolution ? Alors c'est de ce point de vue-là, je crois que ce qu'on est en train de vivre est un grand test pour la justice anticorruption de ce pays. Alors, il y avait déjà eu des fissures dans ce que vous décrivez, puisqu'on a quand même, la France, un CV judiciaire compliqué. On a déjà un ancien président de la République, Jacques Chirac, qui a été condamné pour une histoire de détournement de fonds publics. Son ancien Premier ministre, Alain Juppé, a été condamné par la justice. Le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon, a été condamné par la justice, et je passe de nombreux membres du gouvernement. Président avec aussi beaucoup de... Exactement. Voilà, ça, mais il y a une spécificité. Je crois sincèrement qu'un jour, les historiens regarderont ça sereinement, plus tard, sur la spécificité de ce qu'a été, de ce point de vue-là, le sarkozysme. Et le procès Bismuth dit des écoutes improprement, puisqu'on a l'impression que le problème, c'est les écoutes. Les écoutes, elles sont validées. Le problème, c'est ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy. C'est une première dans l'histoire judiciaire française. Pour la première fois dans l'histoire française, un ancien président est poursuivi du délit de corruption présumée. Et pour la première fois, un parquet, c'est-à-dire qui nous représente, le parquet, c'est ce qu'on appelle aussi le ministère public, c'est-à-dire qui représente les intérêts de la société, a considéré qu'il y avait suffisamment d'éléments pour rentrer en voie de condamnation contre Nicolas Sarkozy et a requis une peine lourde, 4 ans de prison, dont 2 fermes contre l'ancien président. Alors, évidemment, sa défense se défend et c'est la règle de tous les procès équitables et qui dit que le dossier est vide et que ce qu'on lui reproche, ça n'était que des bavardages et qu'après tout, des coups de pouce, c'est Nicolas Sarkozy qui lui dit lui-même, dans l'affaire Bismuth, il a fait ça toute sa vie. Bon, on va voir ce que le tribunal va décider. Le jugement va être mis en délibéré, ça veut dire qu'il va être rendu plus tard, probablement dans quelques semaines. Et donc, on ne sait pas encore quelle est la première vérité judiciaire dans ce dossier, s'il est condamné, s'il est relaxé, ce que le parquet fera appel. Enfin, voilà, la justice est aussi une longue marche. Et sauf que, donc, admettons que le jugement soit prévu, qu'il soit rendu en février, ou début mars, il y a un autre jugement qui va arriver en mars, celui-là. Exactement. Big Malion. Voilà, c'est la spécificité que je peux continuer de filer du sarkozysme judiciaire, si j'ose dire, c'est que Nicolas Sarkozy est actuellement jugé dans le procès Bismuth et il est renvoyé, donc ça veut dire qu'il va être de nouveau jugé pour une autre affaire, et non des moindres, c'est le scandale Big Malion, où on a découvert que la campagne présidentielle, celle-là de 2012, n'avait pas coûté 22 millions d'euros comme ça a été déclaré aux autorités de contrôle, mais en réalité avait coûté 47 millions d'euros, ça veut dire que 25 millions d'euros occultes du financement de la campagne de 2012 avaient été dissimulés aux autorités de contrôle grâce à un jeu de fausses factures et la fameuse société Big Malion. Et on en vient au cœur de l'émission, en quelque sorte. Nicolas Sarkozy est par ailleurs 4 fois mis en examen, notamment pour association de malfaiteurs, corruption ou financement illicite de campagne électorale, dans l'affaire dite des financements libyens, qui est une affaire dans laquelle il y a, avec lui, 3 anciens de ses ministres qui sont mis en examen. Éric Woerth, qui est quand même l'actuel président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, Brice Hortefeux qui a été ministre de l'Intérieur, il a été mis en examen il y a deux jours, et Claude Guéant, qui est, lui, 9 fois mis en examen, dont association de malfaiteurs et corruption, lui aussi, avec d'ailleurs un parfum et des soupçons d'enrichissement personnel dans cette affaire libyenne, qui est en train de devenir une affaire très compliquée pour le clan Sarkozy, qui, évidemment, il faut le dire, est présumé innocent. Fabrice Arfi, il y a une hiérarchie dans les événements. Ben, nous, les journalistes, on est bien placés pour le savoir. Il y a une hiérarchie, là aussi, me semble-t-il. Parce qu'on a des affaires, que je dirais plutôt classiques, on a vu des affaires comme ça, en France, et puis il y a l'affaire libyenne. Imaginez qu'il y ait des preuves, et que Nicolas Sarkozy soit condamné à partir de preuves matérielles dans cette affaire, l'enjeu est terrible, parce qu'il y a l'enjeu pénal, mais risque de disparaître des plaquettes de l'histoire. Enfin, c'est terrible, politiquement pour l'histoire. On n'en est pas là, bien sûr. Pour moi, évidemment, mais et puis on n'est pas juge et on n'est pas là pour dire la culpabilité pénale. Mais en revanche, on est journaliste et on est là pour, comme dans un puzzle, mettre bout à bout des faits. Des petites vérités de fait. Et soulever les enjeux avec exactement. Ça aussi. Les enjeux. Et je crois, et je souscris au sous-titre de votre question, qu'il y a, oui, une affaire plus importante que les autres. Ouais. Et je crois que l'affaire libyenne est une affaire, de ce point de vue-là, quand on appuie un peu sur le bouton pause de l'hystérie médiatique, de l'hystérie communicationnelle de l'équipe Sarkozy face à ce dossier, on est face à quelque chose d'absolument vertigineux. Ce qui explique, d'ailleurs, ce qui, pour moi, est la panique du clan Sarkozy dans l'affaire libyenne. Et plus le temps passe, plus les éléments s'accumulent dans ce dossier. Je veux dire, faire à croire, comme ça a été le cas ces derniers jours, que le dossier libyen repose sur les déclarations de Ziyad Takieddine, qui s'est rétracté après être passé aux aveux. C'est un peu léger, c'est un peu court. Non, mais ce qu'il avait déjà fait par ailleurs dans le dossier Karachi. Il avait avoué, il s'est rétracté, ça ne l'a pas empêché d'être condamné, et les proches de Sarkozy avec lui dans ce dossier, qui était déjà une affaire de corruption internationale. Faire croire ça, c'est un conte pour enfants. C'est un document, c'est une affaire qui est documentée avec énormément d'éléments matériels. Des négociations secrètes, des virements offshore dans des paradis fiscaux par des Libyens pour des gens de l'équipe Sarkozy, des retraits en espèces, une campagne qui n'a pas coûté le prix officiel, des contreparties nombreuses contre toute rationalité étatique de la France vis-à-vis de la Libye du dictateur Kadhafi, qu'on est le pays qui l'a le plus notabilisé quand même. Hein. On peut se rappeler simplement de la visite de décembre 2007. Tout ça est en train de s'accumuler dans cette affaire proprement sidérante, et je veux bien croire qu'elle peut paraître parfois invraisemblable à ceux qui ne plongent pas dedans, mais notre métier, et cette émission le montre souvent d'ailleurs, ce qui est invraisemblable est parfois vrai. Et vous faites bien de dire, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, après tout les médias sont peut-être un peu responsables, que ça ne tient pas à Takieddine. Tout le monde pense que cette affaire elle va être dénouée par les aveux ou par les preuves autour de Takieddine. Vous expliquez qu'il y a une mobilisation policière et judiciaire qui va bien au-delà de ça. Mais bien sûr, je veux dire ça, très sincèrement, les premières révélations de Mediapart dans l'affaire libyenne datent de juillet 2011. L'enquête pénale elle a été ouverte en avril 2013. Nous sommes fin 2020, donc on est 7 ans après l'ouverture de l'enquête. Est-ce qu'on pense sincèrement que 5 juges d'instruction qui se sont suivis sur le dossier, 6 procureurs, des policiers de l'Office anticorruption, tous font partie d'un même complot dénoncé, c'est le mot de Nicolas Sarkozy ou de Claude Guéant, ils disent qu'il y a un complot judiciaro-politico-médiatique contre eux. C'est ce qui s'appelle vraiment poser des fausses questions pour avoir des fausses réponses. Exactement, et penser que ça repose simplement sur est-ce que Takieddine il a dit ça ou pas dit ça, c'est vraiment prendre les citoyens pour des imbéciles. Et en fait, on est dans quelque chose de très, pour moi, trumpien ou berlusconien, de ce qu'on est en train de vivre en France. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, à défaut de convaincre les magistrats dans le cadre de l'instruction, il décide de prendre à témoin l'opinion publique pour faire, lui, le procès de la justice. Ouais. Et ce qui, moi, me fascine, mais qui est une fascination un peu inquiète, c'est que ça dit quelque chose d'une grande faillite culturelle et même parfois médiatique française, je crois, dans la lutte contre la délinquance en col blanc. On ne se pose jamais la question, quand il s'agit de lutter contre le grand banditisme, contre le terrorisme, ou contre le narcotrafic. C'est vrai qu'on ne pose pas la question de quand c'est la corruption, justice, la corruption présumée, la justice est un problème, la police est un problème, le parquet est un problème. Et on achète ces éléments de langage de ceux qui sont mis en cause. Alors, on le verra, au contraire, après le disque que nous allons entendre, qu'il y a eu, il faudrait revenir, une mobilisation policière, du parquet et judiciaire qui n'est pas un hasard non plus, hein, qui a ses racines et qui a ses explications. On les verra tout à l'heure après avoir écouté Nuella, Sound of Silence. C'est une reprise de la célèbre chanson de Simon Garfunkel. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, to my collar, to the cold and damp, where my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. Disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence. Fabrice Arfi, comme dans un livre, il y a une préface, il y aurait une sorte de prélude, pour le coup, à toutes ces affaires, me semble-t-il. Hein. Ce serait l'affaire Karachi, non ? Oui, c'est très juste. L'affaire Karachi qui a donné lieu en juin dernier à un jugement historique. Il faut le dire, pour la première fois, la justice française a écrit noir sur blanc dans un jugement qui a condamné à de la prison ferme un certain nombre de personnes qu'une élection présidentielle, c'était celle d'Edouard Balladur, dont Monsieur Sarkozy était le ministre du budget et le porte-parole, a été financée avec de l'argent sale, de l'argent occulte, des ventes d'armes de la France avec des pays étrangers, en l'occurrence l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Et les personnages qui sont condamnés à de la prison dans ce dossier, eh ben ce sont certains des mêmes acteurs de l'affaire libyenne. Je parle de Ziad Takieddine, qui est condamné précisément pour avoir pris de l'argent de l'étranger et avoir financé de manière occulte, là on est au début des années 90, un clan politique qui est le clan de M. Sarkozy. Parmi les condamnés, il y a la doublure de Nicolas Sarkozy, qui était son collaborateur au ministère du budget, Thierry Gobert, qui est mise en examen dans l'affaire des financements libyens, puisqu'on a retrouvé sur un compte caché aux Bahamas qu'il avait de l'argent libyen qui a été envoyé par le beau-frère de Kadhafi sur ses comptes en 2006, juste avant l'élection présidentielle de 2007. Donc là, on est vraiment dans la filiation. Prélude, on pourrait dire quasiment un apéro judiciaire de l'affaire libyenne avec l'affaire Karachi. Bon, le plat de résistance, on le connaît, hein, ces soupçons de financement de campagne par les Libyens. J'aimerais qu'on s'arrête quand même sur ce qui est pour le coup, l'actualité, c'est-à-dire les écoutes. C'est quoi l'enjeu de l'affaire des écoutes ? Alors, si on doit la résumer très rapidement, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir, via son avocat, à main gauche, obtenu illégalement des informations confidentielles sur des procédures judiciaires en cours le concernant venant d'un très haut magistrat de la Cour de cassation, qui s'appelle Gilbert Azibert, et à main droite, d'avoir promis à Gilbert Azibert d'intervenir en tant qu'ancien président auprès des autorités de Monaco pour que le dit Gilbert Azibert obtienne un poste au soleil, sous le soleil de Monaco. Et tout ça est cimenté par des interceptions téléphoniques qui ont été faites, non pas par des officines, mais par la police et la justice, et qui ont été d'ailleurs validées jusque par la Cour de cassation. Et c'est ce qui est décrit par l'accusation comme un pacte de corruption qui, pour le parquet national financier, doit valoir à Nicolas Sarkozy 4 ans de prison, dont 2 fermes. D'après sa défense, ils disent que le dossier est totalement vide et qu'il ne peut être que relaxé. On verra ce que décide en première instance le tribunal. Et cette histoire des sondages de l'Élysée, enquête démarrée en 2013, après un rapport de la Cour des comptes. Hein. Absolument. Alors là, c'est un autre dossier qui va valoir à celui qui est l'un des deux principaux lieutenants de Nicolas Sarkozy, qui est Claude Guéant, hein, qui l'a suivi depuis très longtemps, qui a été son directeur de cabinet, puis son directeur de campagne, puis son secrétaire général à l'Élysée, puis son ministre de l'Intérieur, qui va être jugé, parce que cette affaire va donner lieu à un procès pour du détournement de fonds publics. Ce qui est très embarrassant, c'est que Claude Guéant a déjà été condamné définitivement par la justice, puisqu'il a été condamné pour avoir détourné l'argent en espèces des frais d'enquête du ministère de l'Intérieur. Au lieu de les donner aux policiers, il les a gardés pour lui. Mmh. Il a été condamné définitivement. Il est multimis en examen dans l'affaire libyenne. Et il va être jugé dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Pour lui, son casier judiciaire et sa situation pénale devient extrêmement compliqué, à tel point que dans l'affaire libyenne, il y a quand même des écoutes où ses deux enfants, son fils et sa fille, disent « Papa, il faut que tu balances ». Tu ne peux, c'est noir sur blanc dans les écoutes. Avec ces mots-là, il faut que tu balances. Et Claude Guéant dit, je suis pas comme ça, etc. Et son fils lui dit, papa, tu es le paratonnerre parfait pour ton ancien patron. Comprendre Nicolas Sarkozy. On en est là. Et ce sont ces vérités de fait là que ces enquêtes permettent notamment de saisir. Est-ce qu'il y a une filiation avec une certaine pratique gaulliste, néo-gaulliste, qui atteindrait là finalement son point d'orgue avec Sarkozy avant de passer à autre chose? Est-ce qu'il y a cette filiation-là, ces affaires avec, on rappelle quand même, les gaullistes, c'était le sac, c'était tout un tas de choses. Il y a cette tradition-là. Et d'ailleurs, c'est très juste de parler du sac. Hein. Nicolas Sarkozy est politiquement un enfant de deux personnages qui sont des figures éminentes et fondateurs du sac, de Charles Pasqua d'un côté, de Achille Peretti, qui a été maire de Neuilly, de l'autre. L'affaire libyenne a quelque chose de France-Africain, en quelque sorte, même si la Libye, c'est le nord de l'Afrique, et on sait ce qu'a été, avec les réseaux Focard, le gaullisme de ce point de vue-là. Donc, il y a quelque chose, en effet, d'une sorte de réduction, comme il y a des réductions de sauce en cuisine avec l'affaire libyenne, qui est très intéressant, et aussi de ce que ça dit de la pratique judiciaire pour essayer de la documenter. On l'a dit tout à l'heure, l'ancien président et ses 3 anciens ministres sont mis en examen, notamment pour association de malfaiteurs. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que les juges ont décidé d'utiliser contre la délinquance en col blanc présumé les armes de la lutte contre le grand banditisme. D'où ils viennent? Enfin, ils viennent pas du grand banditisme, ils viennent de la justice. Certains des juges et procureurs, en effet, eux-mêmes, avant de lutter contre la corruption, luttaient contre le grand banditisme. Bien, merci infiniment, Fabrice Serfi, pour tous vos éclairages. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'intervention française en Libye et ses conséquences. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. À la technique aujourd'hui, je l'en remercie, il y avait Rémi Sistiaga.